d'avoir eu la bonté de penser à mon déjeuner. » Le bonhomme, après avoir pris son chocolat, sortit pour aller chercher son cheval. Et comme il passait sous un berceau de roses, il se souvint que la belle lui en avait demandé et cueillit une branche où il y en avait plusieurs. En même temps, il entendit un grand bruit et vit venir à lui une bête si horrible qu'il fut près de s'évanouir. « Vous êtes bien ingrat, lui dit la bête d'une voix terrible. Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans mon château, et pour ma peine, vous me volez mes roses, que j'aime mieux que toute chose au monde. Il faut mourir pour réparer cette faute. Je ne vous donne qu'un quart d'heure pour demander pardon à Dieu. » Le marchand se jeta à ses genoux et dit à la bête en joignant les mains. « Monseigneur, pardonnez-moi. Je ne croyais pas vous offenser en cueillant une rose pour une de mes filles qui m'en avait demandé. » « Je ne m'appelle point Monseigneur, répondit le monstre, mais la bête. Je n'aime pas les compliments. Moi, je veux qu'on dise ce qu'on pense. Ainsi, ne croyez pas me toucher par vos flatteries. Mais vous m'avez dit que vous aviez des filles. Je veux bien vous pardonner, à condition qu'une de vos filles vienne volontairement pour mourir à votre place. Ne me raisonnez pas, partez. Et si vos filles refusent de mourir pour vous, jurez que vous reviendrez dans 3 mois. » Le bonhomme n'avait pas dessein de sacrifier une de ses filles à ce vilain monstre. Mais il dit en lui-même, « Du moins, j'aurai le plaisir de les embrasser encore une fois. » Il jura donc de revenir, et la bête lui dit qu'il pourrait partir quand il le voudrait. « Mais, ajouta-t-elle, je ne veux pas que tu t'en ailles les mains vides. Retourne dans la chambre où tu as couché. Tu y trouveras un grand coffre vide. Tu peux y mettre tout ce qu'il te plaira. Je le ferai porter chez toi. » En même temps, la bête se retira, et le bonhomme dit en lui-même, « S'il faut que je meure, j'aurai la consolation de laisser du pain à mes pauvres enfants. » Anne Wiazemski, vous avez choisi de nous lire « La Belle et la Bête » de Madame le Prince de Beaumont. C'est un livre qu'on vous a offert quand vous étiez petite. Je crois me souvenir que ma mère me l'a lu. Je devais avoir 4-5 ans. Et d'ailleurs, c'était dans un livre où il y avait aussi Peau d'âne. Donc pendant un moment, les deux histoires se sont un peu mélangées dans mon souvenir. Et puis de toute façon, très vite après, je crois que j'ai dû voir le film de Jean Cocteau qui en a été tiré. Et puis depuis, j'aime revoir le film et j'aime relire ce conte. Et qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire? Mais la bête, bien évidemment. Et c'est toujours elle que j'aime. Et pour moi, c'est très triste quand la bête se métamorphose en prince. C'est-à-dire que pour moi, le happy end me ferait plutôt pleurer, au contraire. Et déjà, c'est pas un jugement d'adulte, parce que déjà, petite fille, j'étais, de la même façon que j'étais très, très éprise du chaboté, j'ai été très éprise de cette bête. Alors quand en plus j'ai vu le film et que cette bête avait ce masque magnifique et cette voix de Jean Marais, alors là, je ne pouvais qu'encore plus aimer cette bête. Donc je trouve que ça finit mal, cette histoire. Moi, je trouve que je suis sûre que l'auteur aime sa bête. Ça ne passe pas qu'elle est horrible, finalement. On n'arrête pas de dire qu'elle est touchante. Et il y a une espèce de leçon de morale, mais ça, c'est l'époque aussi. C'est comme les contes de Perrault. Ils sont toujours précédés ou suivis d'une leçon de morale qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Et ça, je crois que les enfants le sentent. Vous aimiez lire dans quel lieu de la maison? Partout. Partout et tout le temps. Pas de lieu privilégié? Non, tout était bon pour lire, que ce soit dans son lit, sur les toits, dans les arbres, dans les prairies, puisqu'on habitait à la campagne, ou même en classe, en cachant un livre derrière un manuel de géographie ou un livre de latin. Vous lisiez à haute voix? Je lisais à haute voix, parfois, parce que j'avais une cousine que j'aimais beaucoup, qui était très flemmarde et qui elle, n'aimait pas lire, et je voulais la convaincre de qu'il fallait lire. Alors je lui ai lu comme ça des tas de romans qui étaient le mystère à chambre jaune, pour tous les Rouletabille, les romans anglais, les Boulins sur la flosse, comme ça. D'été en été, je faisais la lecture à ma cousine. Je crois que ça lui cassait les pieds d'ailleurs. Mais vous aimiez ça? Et oui, je voulais la convaincre. Je voulais qu'elle aime ce que j'aimais. Son cheval prit de lui-même une des routes de la forêt. Et en peu d'heures, le bonhomme arriva dans sa petite maison. Ses enfants se rassemblèrent autour de lui, mais au lieu d'être sensible à leurs caresses, le marchand se mit à pleurer en les regardant. Il tenait à la main la branche de rose qu'il apportait à la belle.

elle entendit le bruit que faisait la bête et ne put s'empêcher de frémir. « La belle, lui dit ce monstre, voulez-vous bien que je vous voie souper ?»« Vous êtes le maître, répondit la belle en tremblant. « Non, reprit la bête, il n'y a ici de maîtresse que vous. Vous n'avez qu'à me dire de m'en aller, si je vous ennuie, je sortirai tout de suite. Dites-moi, n'est-ce pas que vous me trouvez bien laid ?»« Cela est vrai, dit la belle, car je ne sais pas mentir, mais je crois que vous êtes fort bon. » »« Vous avez raison, dit le monstre, mais outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. » « Je sais bien que je ne suis qu'une bête. »« On n'est pas bête, reprit la belle, quand on croit n'avoir point d'esprit. Un sot n'a jamais su cela. »« Mangez donc, la belle, lui dit le monstre, et tâchez de ne point vous ennuyer dans votre maison, car tout ceci est à vous, et j'aurais du chagrin si vous n'étiez pas contente. »« Vous avez bien de la bonté, lui dit la belle. Je vous avoue que je suis contente de votre cœur. Quand j'y pense, vous ne me paraissez plus si laid. » « Oh, dame, oui, répondit la bête, j'ai le cœur bon, mais je suis un monstre. »« Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous, dit la belle, et je vous aime mieux avec votre figure que ceux qui, avec la figure d'homme, cachent un cœur faux, corrompu, ingrat. Si j'avais de l'esprit, reprit la bête, je vous ferais un grand compliment pour vous remercier. Mais je suis stupide, et tout ce que je puis vous dire, c'est que je vous suis bien obligée. » La belle soupa de bon appétit. Elle n'avait presque plus peur du monstre. Mais elle manqua mourir de frayeur lorsqu'il lui dit « La belle, voulez-vous être ma femme ?» Elle fut quelque temps sans répondre. Elle avait peur d'exciter la colère du monstre en le refusant. Elle lui dit enfin en tremblant « Non, la bête. » Dans le moment, ce pauvre monstre voulut soupirer et fit un sifflement si épouvantable que tout le palais en retentit. Mais la belle fut bientôt rassurée, car la bête lui ayant dit tristement « Adieu donc, la belle », sortit de la chambre, en se retournant de temps en temps pour la regarder encore. Belle, se voyant seule, sentit une grande compassion pour cette pauvre bête. « Hélas, disait-elle, c'est bien dommage qu'elle soit si laide, elle est si bonne. » Il y a un moment aussi qui me fait toujours beaucoup rire, c'est quand en parlant des... Quand elle dit « Ces méchantes filles se frottèrent les yeux avec un oignon pour pleurer lorsque la belle partit avec son père. » Ça me faisait bien rire aussi. Puis quand on est comédienne, c'est très utile. Mais c'est vrai qu'aussi, là où le film compte énormément, c'est qu'on a honte de lire les dialogues sans avoir la voix de Josette Day et de Jean Marais. Il y a, dans le film, je me souviens d'une réplique qui n'existe pas dans le texte original, qui est très, très, très merveilleuse. C'est à un moment donné, la bête dit à la belle, avec, bon, je ne peux pas vous imiter la voix inimitable et merveilleuse de Jean Marais, mais la bête dit « Vous me caressez comme un animal !» Et Josette Day lui répond comme ça, très mondaine, « Mais vous êtes un animal, la bête !» Si on se souvient du film, c'est très bien l'adaptation qu'on a fait Cocteau. Il a inventé, par exemple, c'est lui qui a inventé, j'avais oublié que c'était son invention, le cheval qui s'appelle le Magnifique. Vous savez, c'est le cheval qui amène la belle à son père. Et ça, c'est pas dans le conte. Dans le conte, c'est une bague qui transporte la belle de chez elle au château. Et le film, vous l'avez vu plusieurs fois? Plusieurs fois, oui. Dès que ça repasse, j'y vais. Mais en tout cas, je me souviens très bien que quand je l'ai vu... La bête était la bête que j'imaginais. Non, c'est un peu une boutade de dire que pour moi, ce conte qui est supposé se terminer très bien se termine mal, dans la mesure où le prince charmant remplace cette bête que je trouve bien plus charmante. Bon, je me rends bien compte que ça finit bien, évidemment. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette espèce de moment de chagrin de voir que la bête était morte, et ça, dans le film de Cocteau, je crois qu'on voit une dépouille même. On voit le cadavre de la bête. Et puis,